L'essaimage. 1. Ces ouvriers, ces soldats, ce roi et cette reine forment le fond permanent et essentiel de la cité qui, sous une loi de fer plus dure que celle de Sparte, poursuit dans l'obscurité son existence avare, sordide et monotone. Mais à côté de ces mornes captifs qui ne virent jamais et jamais ne verront la lumière du jour, l'âpre phalanstère à grands frais élève d'innombrables légions d'adolescentes et d'adolescents, ornées de longues ailes transparentes et pourvues d'yeux à facettes, qui se préparent dans les ténèbres où grouillent les aveugles nez à affronter l'éclat du soleil tropical. Ce sont les insectes parfaits, mâles et femelles, les seuls qui ont un sexe. D'où sortira, si les hasards toujours incléments le permettent, le couple royal qui assurera l'avenir d'une autre colonie. Il représente l'espoir, le luxe démentiel, la joie voluptueuse d'une cité sépulcrale qui n'a pas d'autre issue vers l'amour et le ciel. Nourris à la béquée, car n'ayant pas de protozoaires, ils ne peuvent digérer la cellulose. Ils errent désœuvrés par les galeries et les salles en attendant l'heure de la délivrance et du bonheur. Vers la fin de l'été équatorial, à l'approche de la saison des pluies, cette heure sonne enfin. Alors, l'inviolable citadelle, dont les parois, sous peine de mort pour toute la colonie, n'offrent jamais d'autres fissures que celles qui sont indispensables à la ventilation, dont toutes les communications avec le monde extérieur sont rigoureusement souterraines, prises d'une sorte de délire, et tout à coup criblées d'étroites ouvertures derrière lesquelles on voit veiller les monstrueuses têtes des guerriers qui en interdisent l'entrée aussi bien que la sortie. Ces ouvertures correspondent à des galeries ou à des couloirs où s'entasse l'impatience du vol nuptial. À un signal, donné comme les autres par la puissance qu'on ne voit pas, les soldats se retirent, démasquent les issues et livrent passage aux frémissantes fiançailles. Aussitôt, au dire de tous les voyageurs qui l'ont contemplé, se déroule un spectacle à côté duquel l'essaimage des abeilles paraît insignifiant. De l'énorme édifice, tantôt meule, tantôt pyramide ou château fort, et souvent, quand il y a agglomération de cités, sur des centaines d'hectares de superficie, s'élève, comme d'une chaudière surchauffée sur le point d'exploser, et jaillissant de toutes les fissures, un nuage de vapeur formé de millions d'ailes qui monte vers l'azur à la recherche incertaine et presque toujours bafouée de l'amour. Comme tout ce qui n'est que rêve et fumée, le magnifique phénomène ne dure que quelques instants. Le nuage s'abat lourdement sur le sol qu'il couvre de débris. La fête est terminée, l'amour a trahi ses promesses et la mort prend sa place. Averti par les préparatifs, prévenu par l'instinct qui ne les trompe pas, tous ceux qui sont avides du succulent festin que leur offre chaque année l'innombrable chair des fiancés de la termitière, les oiseaux, les reptiles, les chats, les chiens, les rongeurs, presque tous les insectes, et surtout les fourmis et les libellules, se jettent sur l'immense proie sans défense qui jonche parfois des milliers de mètres carrés et commence l'effroyable hécatombe. Les oiseaux, notamment, se gorgent à tel point qu'ils ne peuvent plus fermer le bec. L'homme même prend part à l'aubaine. Il ramasse les victimes à l'appel, les mange frites ou grillées, ou en fait des pâtisseries dont le goût, paraît-il, rappelle celui des gâteaux d'amandes, et en certains pays, comme en l'île de Java, les vend sur le marché. À peine le dernier des insectes ailés a-t-il pris son essor, que toujours sur l'ordre mystérieux de la puissance insaisissable qui y règne, la termitière se referme, les ouvertures sont murées, et ceux qui sont sortis paraissent inexorablement exclus de la cité natale. Que deviennent-ils? Incapables de se nourrir, traqués par des milliers d'ennemis qui se relayent, quelques entomologistes prétendent que tous, sans exception, périssent. D'autres soutiennent que çà et là, un misérable couple parvient à échapper au désastre et est recueilli par les ouvriers et les soldats d'une colonie voisine pour y remplacer une reine morte ou fatiguée. Mais comment et par qui seraient-ils recueillis? Les travailleurs et les soldats n'errent pas par les chemins et ne sortent jamais à l'air libre, et les colonies voisines sont murées comme celles qu'il a quittées. D'autres, enfin, affirment qu'un couple peut subsister pendant un an et élever des soldats qui le défendront et des ouvriers qui le nourriront ensuite. Mais comment vit-il, en attendant, puisqu'il est prouvé qu'il a très rarement des protozoaires et ne peut par conséquent digérer la cellulose? On le voit, tout ceci est encore bien contradictoire et obscur. Note. Le docteur Jean Faitot, directeur de la station entomologiste de Bordeaux, qui a spécialement étudié le termite lucifuge des Landes à la suite de nombreuses expériences d'élevage dans des tubes de verre et d'observations en pleine nature sur un grand nombre de colonies fondées après essaimage, en des endroits de la forêt où n'existait auparavant aucune vieille souche, ni par conséquent aucune termitière, a formellement constaté que les imagos essaimantes pouvaient ébaucher de petites familles sans le secours d'ouvriers. Reste à savoir s'il en va de même pour les grandes termitières tropicales. Le docteur Bugnon m'a affirmé qu'il avait vu à Ceylan des couples fonder des colonies nouvelles. Il est vrai que c'était des termites à champignons qui pouvaient se passer de protozoaires. La femelle, avec l'aide du mâle, commençait par s'occuper de l'installation de la champignonnière, après quoi elle se mettait à pondre. À peine nés, les premiers ouvriers s'empressaient d'emmurer leurs parents. Fin de note. 2. Il est certain que dans une république aussi avare, aussi prévoyante, aussi calculatrice, il y a là un incompréhensible gaspillage de vie, de forces et de richesses, d'autant plus énigmatique que cet immense sacrifice annuel aux dieux de l'espèce, qui n'a évidemment en vue que la fécondation croisée, semble manquer totalement ce but. Il ne peut y avoir fécondation croisée que lorsqu'il y a agglomération de termitières, ce qui est assez rare, et que tous les vols nuptiaux aient lieu le même jour. Voilà donc 1000 chances contre une pour qu'un couple, si par miracle il parvient à réintégrer la maison natale, soit consanguin. Ne nous montrons pas outrecuidants. Si ces choses nous paraissent illogiques ou incohérentes, il y a à parier que nos observations ou nos interprétations sont encore insuffisantes, et que c'est nous qui avons tort, à moins de mettre la bévue au compte de la nature qui, de prime face, comme disait Jean de La Fontaine, a tout l'air d'en avoir fait bien d'autres. Note. Chez les abeilles aussi, l'essaimage est une calamité publique et toujours une cause de ruine et de mort pour la ruche mère et pour ses colonies quand il se répète dans la même année. L'apiculteur moderne s'efforce autant que possible de l'empêcher en détruisant les jeunes reines et en agrandissant les réservoirs à miel, mais bien souvent il ne réussit pas à enrayer ce qu'on appelle la fièvre d'essaimage. Car il paie aujourd'hui la rançon de millénaires et barbares pratiques et d'une désastreuse sélection à rebours où les meilleures ruches, c'est-à-dire celles qui n'avaient pas essaimé et étaient lourdes de miel, se trouvaient systématiquement sacrifiées. Fin de note. D'après les observations de Silvestri, afin d'échapper à ces désastres, quelques espèces n'essaiment que la nuit ou par temps de pluie. D'autres, afin d'augmenter le nombre de leurs chances, n'expulsent leurs essaims que par petits paquets, mais durant plusieurs mois. À ce propos, il convient de remarquer une fois de plus que dans la termitière, les lois générales ne sont pas, comme dans la ruche, absolument inflexibles. Les termites, nous en aurons d'autres exemples, autant que les hommes, et contrairement aux habitudes de tous les animaux que l'on croit menés par l'instinct, sont avant tout opportunistes, et, tout en respectant les grandes lignes de leur destinée, savent quand il le faut, avec autant d'intelligence que nous-mêmes, les plier aux circonstances et les adapter aux nécessités ou simplement aux convenances du moment. En principe, pour donner satisfaction aux vœux de l'espèce ou de l'avenir, ou pour complaire à une idée invétérée de la nature, ils pratiquent l'essaimage. Soit qu'ils soient prodigieusement onéreux et 99 fois sur 100 totalement inutiles, mais au besoin, ils le restreignent, le réglemente ou même y renonce et s'en passe sans inconvénient. En principe, ils sont monarchistes. Au besoin, ils entretiennent deux reines, séparées par une cloison, dans la même cellule, ainsi que l'a observé T.G. Savage, où, jusqu'à 6 couples royaux comme l'a constaté Havilland, sans tenir compte des rois et des reines qui nous échappent grâce aux mesures prises par les ouvriers pour favoriser leur évasion, qui font qu'il n'est pas facile de les découvrir. Et Havilland a recherché durant 3 jours une de ses souveraines avant de la trouver dissimulée sous des débris au fond du nid. En principe, pour achever cette énumération, il faut que leur reine ait eu des ailes et ait vu la lumière du jour. Au besoin, il la remplace par une trentaine de pondeuses aptères qui ne sont jamais sorties du nid. En principe, ils n'admettent pas de roi étranger. Au besoin, si le trône est vacant, ils accueillent avec empressement celui qu'on leur propose. En principe, chaque termitière n'est habitée que par une seule espèce bien caractérisée. En pratique, on a plus d'une fois constaté que 2 ou 3, et parfois jusqu'à 5 espèces, totalement différentes, collaborent dans le même nid. Ajoutons que ces palinodies ne semblent pas incohérentes ou irréfléchies, mais, à y regarder de plus près, ont toujours une raison invariable qui est le salut ou la prospérité de la cité. Du reste, sur tous ces points, il y a encore bien des incertitudes, et avant de conclure, il convient d'attendre des observations plus décisives. Elles sont d'autant plus difficiles qu'il y a, comme nous l'avons dit, 1500 espèces de termites et que les mœurs et l'organisation sociale de ces 1500 espèces ne sont point pareilles. Il semble que certaines d'entre elles soient arrivées comme l'homme au moment le plus critique d'une évolution commencée il y a des millions d'années. 3. Le régime normal est donc la monarchie, mais beaucoup plus prudente que la ruche dont le sort, et c'est le point faible d'une organisation admirable, est toujours suspendue à la vie d'une reine unique. La termitière, quant à sa prospérité, est à peu près indépendante du couple royal. Ce qu'on pourrait appeler la constitution, la loi fondamentale, y est infiniment plus souple, plus élastique, plus prévoyant, plus ingénieux, et marque un incontestable progrès politique. Si la reine termite, ou plutôt la pondeuse déléguée, car elle n'est pas autre chose, accomplit généreusement son devoir, on ne lui donne pas de rival. Dès que fléchit sa fécondité, on la supprime en s'abstenant de la nourrir, ou on lui adjoint un certain nombre de coadjutrices. C'est ainsi qu'on a trouvé jusqu'à 30 reines dans une colonie non point désorganisée et tombée à l'anarchie et à la ruine, comme y tombe la ruche où se multiplient les pondeuses, mais au contraire extrêmement forte et florissante. Grâce à l'extraordinaire plasticité de leur organisme, qui participe des avantages de l'existence la plus primitive, encore unicellulaire, et de ceux de la vie la plus évoluée, et peut-être aussi, il faut bien, manque d'autres explications, le conjecturer grâce à des connaissances chimiques et biologiques encore ignorées de l'homme, les termites semblent pouvoir à tout moment, quand ils en ont besoin, par une alimentation et des soins appropriés, transformer n'importe quelle larve et quelle nymphe en insecte parfait, y faire poindre des yeux et des ailes en moins de 6 jours, ou tirer du premier œuf venu un ouvrier, un soldat, un roi ou une reine. À cette fin, pour gagner du temps, ils tiennent toujours en réserve un certain nombre d'individus prêts à subir les dernières transformations. Note. On sait que les abeilles possèdent, plus restreintes, la même faculté. Elles peuvent, durant 3 jours, par une nourriture appropriée, par l'élargissement et l'aération plus abondante de la cellule, transformer en reine n'importe quelle larve d'ouvrière, c'est-à-dire en tirer un insecte 3 fois plus volumineux dont la forme et les organes essentiels sont notablement différents. C'est ainsi que les mâchoires de la reine sont dentelées, au lieu que celles des travailleuses sont lisses comme le fil d'un couteau, que sa langue est plus courte et la spatule de celle-ci plus étroite, qu'elle n'a pas l'appareil compliqué qui sécrète la cire, qu'elle n'est munie que de 4 ganglions abdominaux alors que les autres en portent 5, que son dard est recourbé comme un cimeter, tandis que l'aiguillon de son peuple est droit, qu'elle est dépourvue de corbeilles à pollen, etc. Fin de note. Mais bien qu'ils puissent apparemment le faire, en général, pour des raisons que nous ne pénétrons pas encore, ils ne transforment pas un de ses œufs ou de ses candidats en reine parfaite, pourvue d'ailes et d'yeux à facettes, c'est-à-dire pareille à celles qui ont pris leur vol par milliers et prêtes à être fécondées par le roi dans la loge nuptiale. Ils se contentent presque toujours d'en tirer des pondeuses aveugles et aptères, qui accomplissent toutes les fonctions d'une reine proprement dite, sans détriment pour la cité. Il n'en va pas de même, comme on sait, chez les abeilles, où l'ouvrière pondeuse, qui remplace la souveraine morte, ne donnant le jour qu'à d'insatiables mâles, mène en quelques semaines, à la ruine et à la mort, la colonie la plus riche et la plus prospère. Autant que peuvent s'en rendre compte les regards de l'homme, il n'y a pas de différence appréciable entre une termitière qui possède une reine authentique et celle qui n'a que des pondeuses plébéiennes. Certains termitologues prétendent que ces pondeuses néothéiniques ne peuvent pas produire de roi ni de reine et que leurs descendants sont privés d'ailes et d'yeux, c'est-à-dire ne deviennent jamais des insectes parfaits. C'est possible, mais insuffisamment démontré, au demeurant sans importance pour la colonie, attendu que ce qui lui est indispensable, c'est une mère d'ouvriers et de soldats, au lieu qu'elle peut aisément se passer d'une fécondation croisée, qui, nous l'avons vu, est extrêmement aléatoire. Au surplus, tout ce qui a trait à ces formes substitutives est encore controversé et l'un des points les plus mystérieux de la termitière. 4. Ce qui est également controversé, ou du moins insuffisamment approfondi, c'est l'importante question des parasites. Je ne parle pas des parasites intestinaux, car outre ses habitants légitimes, la termitière héberge un nombre considérable d'écornifleurs qui n'ont pas encore été recensés et examinés comme ceux de la fourmilière. On sait que chez les fourmis, ces parasites jouent un rôle intéressant et pullulent de façon fantastique. Wassmann, le grand myrmécologue, en compte dans la fourmilière 1246 espèces. Les uns viennent simplement chercher dans la tiède moiteur des galeries souterraines le vivre et le couvert et y sont charitablement tolérés, car la fourmi est beaucoup moins bourgeoise et avare que ne le croyait le bon La Fontaine. Mais un grand nombre d'autres sont utiles, voire indispensables. Il s'en trouve aussi dont les fonctions sont tout à fait inexplicables, notamment ces Anthenophorus que portent la plupart des Lasius mixtus, si bien observés par Charles Janet. Ce sont des sortes de poux proportionnellement énormes puisqu'ils sont aussi gros que la tête de la fourmi, qui toujours proportionnellement est près de deux fois plus volumineuse que la nôtre. Généralement, sur une de ces fourmis, on compte trois de ces poux qui s'installent soigneusement et méthodiquement, l'un sous le menton, les deux autres de chaque côté de l'abdomen de leur hôte, de manière à ne pas déséquilibrer sa marche. Le Lasius mixtus, qui d'abord répugne à les accueillir, une fois qu'ils ont pris place, les adopte et ne cherche plus à s'en débarrasser. Quel est le martyr de nos saintes légendes qui porterait, sans se plaindre, durant toute son existence, une triple charge aussi lourde et aussi encombrante ? L'âpre fourmi de la fable non seulement s'y résigne, mais soigne et nourrit ses fardeaux, comme s'ils étaient ses enfants. Quand un de ces Lasius, orné de ces monstrueux parasites, a trouvé, par exemple, une cuillerée de miel, il s'engorge et rentre au nid. Attirés par la bonne odeur, d'autres fourmis s'approchent et sollicitent leur part de l'aubaine. Généreusement, le Lasius régurgite le miel dans la bouche des quémandeuses et ses parasites interceptent au passage quelques gouttelettes du précieux liquide. Loin de s'y opposer, il leur facilite le prélèvement de la dîme et, avec ses compagnes, attend que les écornifleurs repus donnent le signal du départ. Il faut croire qu'il éprouve à promener ces gigantesques poux de luxe, qui nous accableraient sous leur poids, d'étranges jouissances que nous ne sommes pas à même de comprendre. Nous comprenons au demeurant fort peu de choses au monde des insectes qui sont guidés par un esprit et par des sens qui n'ont presque rien de commun avec ceux qui nous mènent. Mais quittons nos fourmis et revenons à notre xylophage. D'après le professeur E. Warren, les hôtes de la termitière, connus en 1919, s'élèvent à 496, dont 348 coléoptères. On en découvre chaque jour de nouveaux. On les classe en hôtes vrais, symphiles, amicalement traités, en hôtes tolérés ou indifférents, synoéquetes, en intrus, synectres, pourchassés et en parasites proprement dits, ectoparasites. Malgré les noms scientifiques qu'on leur donne, la question n'est pas au point et nous attendons une étude plus complète.